y'a rien à faire. Je suis malheureux sans toi. Y'a rien à faire. Tu me manques et puis voilà. Y'a rien à faire. Les autres ne te remplacent pas. Y'a rien à faire, j'ai beau essayer. Y'a que toi que j'aime comme ça. Y'a rien à faire. Pourquoi on ne se voit pas? Y'a rien à faire. Comment faire pour réparer tout ça? Oh, y'a rien à faire. Je suis en train de périmer sans toi. Y'a rien à faire. Ne m'abandonne pas. Sauve-moi. Sauve-toi. Sauve-toi. Sauve-moi. Y'a rien à faire. Je suis malheureux sans toi. Y'a rien à faire. Et tu me manques et puis voilà.